Lorsqu'ensuite il observa le soleil levant, il dit « Voilà, mon Seigneur, celui-ci est plus grand. » Puis, lorsque le soleil disparut, il dit « Ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah. »